Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Wanda Landowska et la renaissance du clavecin au 20e siècle. Il ne faut pas oublier que des gens comme Wanda Landowska étaient des musiciens fabuleux. C'est une bonne femme géniale. Et si elle n'avait pas existé, on ne serait pas là à discuter de clavecin. On ne joue plus comme ça, c'est vrai. Mais ce qu'elle fait, personne n'est capable de le faire. La claveciniste Brigitte Audebourg qui parle en 1987 de cette figure presque sacrée dans le monde du clavecin, la figure de Wanda Landowska. Passionnée de musique ancienne, Wanda Landowska jouera un rôle central dans la redécouverte du clavecin au 20e siècle. Le clavecin qu'elle appelle d'ailleurs le roi soleil des instruments. C'est extraordinaire ce que ces pièces, qui sont relativement courtes, ce qu'elles contiennent de richesse et de beauté inexprimable. Lorsque j'ai décidé d'enregistrer les 48, je me suis vue en présence d'une tâche pas ordinaire. Archive tirée de la collection de nos amis de la radio suisse romande, Wanda Landowska en 1954, qui parle de son enregistrement des 48 préludes et fugues de Bach. Pour nous raconter la vie et la carrière exceptionnelle de Wanda Landowska, ma collègue animatrice à médium large, également claveciniste, Catherine Perrin. Catherine, bonjour. Bonjour, Jacques. Merci d'être avec nous. Vous avez présenté un spectacle qui s'appelait Sacré Landowska, oui. Consacré à Wanda Landowska. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'abord que vous suivez depuis longtemps. C'est plutôt l'idée du compositeur du théâtre musical, John Rea, de construire un théâtre musical autour de ce personnage-là. Et sur le coup, parce que l'œuvre a été créée dans un premier temps en 2001. Ouais. On l'a reprise à l'hiver 2016, mais elle a été créée en 2001 une première fois, dans une première mouture, je dirais. Et quand John nous a proposé ce thème-là, sur le coup, j'ai fait Landowska. Et pour moi, c'était un personnage. Vous la connaissiez quand même. Ben oui, bien sûr. Oui. Sauf qu'à l'époque où moi, j'ai appris le clavecin, ce n'était plus ça. On n'apprenait pas Landowska. Il ne fallait pas jouer comme Landowska. Les clavecins de Landowska, vous venez d'entendre, ça sonne un peu métallique. Oui. Les prises de son de l'époque n'arrangent pas l'affaire. La connaissance de la musique ancienne avait beaucoup évolué. Alors, j'avais un petit peu de doute. J'étais un peu sceptique, mais il m'a fait tomber en amour avec elle, le compositeur John Rea, parce qu'il a fouillé et dans son théâtre musical, il s'est servi de sa façon de parler du clavecin, de ses expressions. Il lui fait dire justement que le clavecin est le roi soleil des instruments. Il l'a fait parler avec ses propres mots. Et là, j'ai découvert une personne plus grande que nature. Et un personnage aussi. Un personnage, Sacré, oui. Landowska, c'est un titre qui est évocateur. Oui, comment résumer ce personnage-là? Alors, sacré Landowska avec un point d'exclamation parce qu'elle aimait jouer à la prêtresse un peu. Hein? Ouais. Sur à peu près toutes ses photos, on la voit avec ses grandes robes de concert, souvent les mains jointes, avec un air recueilli. Elle aimait ce statut d'autorité, de prêtresse, de directrice d'un mouvement. Elle était partie en mission. C'est quand même quelque chose, là. Elle était une pianiste, mais à la base, parce qu'à l'époque, personne jouait du clavecin en concert. Mais quand elle a eu ce flair, cette intuition-là qu'il fallait faire renaître le clavecin comme instrument de concert, on est en 1903, oui. Là. Vient comment, de fait? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'intéresse tout à coup à la musique ancienne et au clavecin? Ben, la musique ancienne, ça vient plus tôt dans sa vie. Oui. C'est que comme pianiste, très très jeune, comme petite fille, elle s'est mise au piano à 4 ans. Et ce qu'elle aimait jouer, c'était du Bach, du Rameau, déjà ses musiques anciennes. Mais à l'époque, elle ne savait pas que ça aurait pu être joué sur un clavecin. Et c'est quand elle arrive, là où le lien se fait, elle a toujours adoré cette musique, il paraît que toute petite, elle avait écrit dans une enveloppe son rêve, une enveloppe qu'elle a scellée, c'est de devenir célèbre en jouant du Bach et du Rameau au piano. Elle voulait être célèbre, elle adorait la scène, toute petite, la jouer en concert, puis elle était folle de ça. C'est quand elle arrive à Paris, en 1903, que là, elle se rend compte que la musique d'autrefois est en train de devenir à la mode, sauf qu'on la joue beaucoup au piano, mais entre-temps, elle commence à visiter les musées, puis à se rendre compte qu'il y a des clavecins qui sont là et qu'il faudrait... Oui, il y en avait qui avaient été sortis pour des expositions universelles. On avait fait des tentatives de reconstruction. Mais elle, ça va être sa mission. Moi, je fais toujours la comparaison. Comme il y a des gens, mais ces années-ci, qui décident qu'il faut répandre l'auto électrique. Là. Ouais. Elle, c'était faut que le clavecin devienne un nouvel instrument de concert joué partout en Europe. Et ça devient une obsession. Mm-hmm. Vous le dites, elle visite les musées. Elle fait sa propre recherche. Elle lit tout ce qui existe. Ce qui est fascinant avec elle, c'est que pour une interprète, elle est très multitâche. Elle a déjà une approche de musicologue. Elle a appris à composer elle-même aussi, puis à étudier la musique, c'est-à-dire qu'elle a étudié ce qu'on appelle le contrepoint, l'harmonie, la science de la musique. Alors, pour elle, tout devient un sujet d'analyse aussi. Donc, elle lit les traités anciens de l'époque de Bach, justement, entre autres. Elle, dans les musées, elle se promène avec un esprit très scientifique. Elle traîne un ingénieur de la maison de piano Play avec qui ils prennent toutes les mesures des clavecins anciens pour essayer de trouver qu'est-ce qui serait la composition du nouveau clavecin idéal. Parce qu'elle a des exigences, évidemment. C'est toute une bonne femme, puis on pourra y revenir au cours des minutes qui viennent. Mais justement, sur cette recherche de l'instrument idéal, on écoute, parce que c'est en 1912 qu'elle va demander à la maison Pleyel de lui fabriquer un fameux clavecin, on écoute son assistante, fidèle compagne, Denise Restoux, raconter cette histoire du Pleyel à l'émission Musique d'un siècle, diffusée en 2002. Alors, Wanda a décidé d'emmener l'ingénieur de Pleyel avec elle dans ses différents musées et d'étudier les instruments anciens, 16e, 17e, 18e siècle, de relever les plans, de prendre des notes de la façon dont ils étaient construits. Et elle lui a dit, maintenant, construisez-moi un clavecin. Elle a demandé à Pleyel. Van a dit, je voudrais un instrument sur lequel je peux jouer la musique, toute la musique pour clavecin, depuis le 16e jusqu'à la fin du 18e siècle. Il me faut un instrument assez large pour cela, avec les trois registres. Parce que autrement, l'instrument n'est pas complètement équilibré. Le choix de ce clavecin Pleyel, Catherine, pour moi, c'est un peu du chinois, mais je sais que dans le monde des clavecinistes, on l'a entendu, là, des exigences extraordinaires. Ce que demande à Pleyel, c'est hors norme. Ça fait pas l'unanimité. Pas du tout. Puis d'ailleurs, maintenant, on a une conception complètement différente du clavecin. Moi, j'écoute ce son-là, puis j'ai un petit sourire un peu triste, parce que pour moi, un clavecin, c'est un instrument qui doit être beaucoup plus transparent, moins métallique, moins nasillard. Mm-hmm. Il y a quelque chose que je trouve très, très fermé comme son. Les clavecins, maintenant, qu'on fait, sont vraiment beaucoup plus à l'identique des clavecins du 18e siècle, surtout du 17e siècle, tout en bois. Mais elle avait décidé qu'en plus, il fallait que ce soit un char d'assaut. Parce que c'est vrai. Parce qu'elle avait décidé qu'elle allait voyager. Elle s'est rendue en 1909, pour vous donner une idée, en Russie, chez Tolstoï, en transportant deux clavecins en train, parce que l'essor du chemin de fer a beaucoup aidé sa mission à elle. Hein. Et elle fait le dernier bout en carriole, à cheval, dans une tempête de neige, avec ses deux clavecins dans des grosses caisses. Et à un moment donné, elle est obligée de se jeter à terre dans le banc de neige et elle dit, c'est mon grand nez qui m'a sauvée parce que mon grand nez dépassait. Vraiment, là, elle a peur de rien. Mais pour revenir à votre question, c'est ça. Elle a une espèce d'utopie d'un clavecin qui, finalement, va être un clavecin totalement inventé, en fait, qui va devenir ce qu'elle va décider d'imposer. C'est le clavecin de Landowska. Mais c'est pour ça qu'elle était tombée un petit peu, pas dans l'oubli, mais en désuétude à l'époque où moi j'étais étudiante. Celle qu'on entend nous raconter cette anecdote qu'on entendait il y a quelques instants, c'est Denise Restoux, qui sera son assistante, mais qui est plus que ça. Mm-hmm. Et là, on ouvre sur tout un autre pan de la vie de Landowska, mais c'est la femme de sa vie. Ils auront une relation amoureuse. Absolument. Elle s'est mariée, Wanda Landowska, très très jeune, avec un homme qui est un Polonais comme elle, mais alors qu'elle étudiait à Berlin, elle s'est enfuie avec lui à Paris, ça avait fait scandale, ils se sont mariés. Sauf que Je pense que ça a toujours été assez clair dans, que ce n'était pas une relation passionnelle, c'est une relation d'affaires, en quelque sorte. Henri Lev, qui était son mari, l'a propulsé, l'a soutenu dans cette carrière-là. Lui, c'était un journaliste, folkloriste, historien. Et tout cet aspect, il a joué un grand rôle dans la vie de Landowska pour la stimuler, pour lui dire « Oui, vas-y, fonce! Cette démarche-là est formidable! » Il l'a soutenu dans toutes les étapes. Quand elle a eu son poste à Berlin, il s'est arrangé pour que la compagnie Pleyel ait un contrat en même temps pour placer des instruments au Conservatoire de Berlin. Vous voyez, il a joué un rôle important, sauf qu'il est mort à la fin de la Première Guerre mondiale. Et avant ça, déjà avant sa mort, et c'est raconté, il y a des sources qui le confirment, la maîtresse d'Henri vivait dans la même maison que le couple. Oui. Et elle fréquentait des femmes, et quand elle se retrouve veuve à Paris, elle s'est jamais remariée, et là, elle a fréquenté les grands salons. Il y avait à l'époque des salons lesbiens, Nathalie Barney, une Américaine établie, il y avait Gertrude Stein, des femmes qui sont maintenant là, c'est reconnues comme des icônes de la culture lesbienne, des salons fréquentés par des écrivaines, et on a des repères très précis. Wanda Landowska était invitée là, fréquentait ces femmes-là, sauf que Denise Restoux n'a jamais dit qu'elle était. Alors oui, c'est la déduction que tout le monde fait. Elle l'a rencontrée en 1933 et elle a été avec elle jusqu'à sa mort en 1959. Elle l'a suivie aux États-Unis. C'est à elle que Landowska a légué tous ses biens, y compris ses instruments, ses archives et tout. Alors bien sûr que... C'est un peu elle qui fait qu'on en parle aujourd'hui de Landowska. Oui, parce que c'est elle qui a géré un peu le patrimoine, qui a fait republier les écrits de Landowska et qui s'est racontée comme ça aussi, qui a raconté toutes ces histoires-là dans des émissions, des entrevues. Vous avez évoqué Berlin rapidement. Elle va être pendant la Première Guerre mondiale à Berlin. Elle ne pourra pas... En fait, on lui crée un poste sur mesure parce qu'elle commence à être connue, Landowska, associée au clavecin, puis elle est un peu prisonnière à Berlin là, pendant le temps de la Première Guerre mondiale. Oui, prisonnière, on appelle ça... Elle est sur parole. Oui. Elle n'est pas prisonnière en prison, non. Mais elle n'a pas le droit de quitter Berlin parce qu'elle est polonaise et elle a vécu en France. Donc, chez les Allemands, elle est un peu suspecte. On peut ajouter qu'elle est d'une famille juive, une famille convertie. Mais une famille juive, et ce qui va lui amener beaucoup plus de problèmes au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais elle est avec son mari à Berlin, puis effectivement, ils sont sous surveillance, en quelque sorte. Mais ça se termine, cette Première Guerre. Puis là, on entre dans cette espèce d'âge d'or pour elle. L'entre-deux-guerres, ça va vraiment être assez magique. Magique pour plusieurs raisons. Elle va faire une première tournée aux États-Unis dès 1923. Et là aussi, elle débarque. Elle dit « Je suis débarquée comme un dompteur de lions avec quatre clavecins, parce qu'elle était un petit peu aussi la représentante de commerce de Pleyel. C'est que Pleyel l'envoyait là avec des instruments, mais c'était sûr qu'il y en a au moins 3 sur 4 qui allaient être vendus, puis qu'elle en garderait un pour faire sa tournée. Et elle est tout de suite au Carnegie Hall. C'est une star qui débarque. Et par contre, comme elle est très habile, elle arrive aux États-Unis et elle commence par faire des concerts où elle joue des concertos de Mozart avec orchestre, un peu pour faire ses preuves. Mais au Carnegie Hall, elle va tout de suite jouer un concert avec un récital de piano et de clavecin, ce qu'elle avait fait longtemps en France pour apprivoiser en quelque sorte le public. Et puis comme elle est très connue, que c'est une star, évidemment, des compositeurs, de grands compositeurs vont s'intéresser à elle, entre autres de Falla va lui écrire une œuvre. Oui, Manuel de Falla, qui est un compositeur espagnol, mais qui a beaucoup vécu en France. Ils se rencontrent en 1923. Elle participe à un premier spectacle, pour la première fois donc, un compositeur du 20e siècle, crée une partie de clavecin dans un genre de spectacle folklorique de Falla a monté. Mais après ça, elle commence à le harceler. Tout de suite, elle lui dit « Je veux un concerto. » Et c'est elle parle toujours de « notre concerto ». Puis elle va faire le même coup à Poulenc, c'est « notre concerto ». Elle est... À la fois, ces hommes-là vont la trouver charmante, brillante, mais un peu tyrannique parce que elle les harcèle, elle les lâche pas. Puis dans les deux cas, avec Francis Poulenc puis avec de Falla, mais de Falla, ça va même mal se terminer parce qu'à la fin, là, elle en peut plus. On est à quelques jours de la création, il manque encore des bois à la partition. Elle est exaspérée. Puis après la création, ils vont prendre un peu leur distance. Mais c'est une œuvre vraiment importante. Ouais. On écoute Poulenc au moment. C'est peut-être le passage du temps parce que vous allez voir dans l'extrait qu'on a, il en garde un excellent souvenir malgré tout et il raconte sa première rencontre, Francis Poulenc, avec Wanda Landowska. Wanda Landowska a été une des plus miraculeuses rencontres de ma vie. J'ai rencontré Wanda Landowska autrefois, il y a bien longtemps, chez la princesse Edmonde Polignac, lors de la première audition du retable de Manuel de Falla. Naturellement, j'étais immédiatement fasciné par le personnage extraordinaire de Wanda. En plus de son génie, c'est une créature d'un charme infini, d'une culture extraordinaire et d'une séduction sans limite. Et Landowska m'a dit, mais jeune homme, car à ce moment-là j'étais jeune, j'avais 26 ans, jeune homme, vous devriez m'écrire un concerto pour clavecin. Et naturellement, j'ai répondu à cet appel avec une grande spontanéité. C'est ainsi que j'ai pu écrire mon concert champêtre pour clavecin et orchestre qui est dédié à Wanda. C'est ce qu'on entend, de fait, ce concert champêtre pour clavecin et orchestre composé donc par Francis Poulenc pour Wanda Landowska. Quel genre d'interprète? Si Francis Poulenc s'intéresse à elle, de Falla également, c'est que ça doit quand même être une musicienne. Elle est prodigieuse, c'est-à-dire qu'elle a de grands moyens techniques, elle est d'une rigueur incroyable, et c'est pour ça qu'elle s'énervait quand les compositeurs livraient pas la musique. Elle leur dit dans des lettres, il y a des correspondances où elle s'énerve. Elle dit, mais vous le savez combien pour moi c'est important de bien assimiler la musique, surtout une œuvre nouvelle. Elle est très méthodique, très rigoureuse. Elle étudie longtemps la musique avant de la jouer en concert. Elle a pris beaucoup son temps avant de jouer les variations Goldberg. Elle a finalement commencé à les jouer en 1933, mais ça faisait des années qu'elle préparait ça, qu'elle les étudiait, là. C'est une grande interprète. Grande. On l'écoute justement, Wanda Landowska, en 1952, nous parler de sa vision, comment elle aborde justement cette manière d'interpréter une pièce. Nous avons une vision sonore. Nous avons une vision et nous voulons nous rapprocher de cette vision le plus possible. Ainsi, par exemple, je veux que ça sonne de telle façon que mon registre de clavecin qui imite la flûte, qu'il me donne la poésie lactée de la flûte. Lorsque je joue le luth, je veux entendre ces pizzicati parfois, ces gouttes sonores, parfois lourdes, parfois légères, parfois arrachées, parfois legato. Vous le disiez un peu plus tôt, Catherine, mais Bach, c'est vraiment pour elle, c'est un de ses compositeurs. Elle jouera beaucoup Bach, elle aime beaucoup Bach. Elle a une relation très, très, presque mystique avec lui. Elle a dit, à un moment donné, approchons-nous de lui. Et ça, John Rea l'a repris dans son théâtre musical. Ressentons l'amour, la bonté noble qui s'écoule de chacune de ses phrases. Cette bonté qui nous revigore et qui nous unit par des liens solides et chauds. Vous savez, à l'époque, là, on s'exprime en termes un peu chargés, un peu précis, un peu fleuri, mais ça vous donne une idée là, de l'importance de cette relation-là entre elle et Bach. Et puis elle aura cette phrase cinglante, c'est à Pablo Casals qu'elle adresse cette phrase, elle lui dit au fond, vous jouez Bach à votre manière, moi je le joue à sa manière. Oui, vous jouez Bach de votre manière, moi je jouerai de la sienne, il y a deux différentes versions. Oui, mais on peut aussi éclater de rire en entendant ça, parce que elle jouait Bach à sa manière à elle. Ce qu'elle décrit là à l'instant, là, ce qui est très drôle, ce qu'on l'entendait décrire, les gouttes d'eau et le son lacté de la flûte et tout, c'est une pensée d'organiste. À l'orgue, on pense la musique comme ça parce qu'on met vraiment des registres qui font de l'évocation instrumentale. Mais au clavecin, plus on a évolué dans notre lecture des traités anciens, plus on a compris que c'est pas ça la recherche au clavecin. C'est beaucoup plus une recherche de mouvement dans l'expression rythmique d'une phrase, comment, ce qu'on appelle lagogique, mais là c'est un peu technique, là, comment phraser pour que ce soit expressif, même si l'instrument lui est un peu sec, puis aussi beaucoup dans l'articulation. Puis l'articulation de Landowska, c'est son articulation à elle. Bon, voilà, que ça se sache et que ça se le dise. Mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Parlons de sa maison, parce qu'on peut pas faire une émission sur elle sans passer à côté de cette maison de Saint-Leu-la-Forêt. Elle y arrive en 1925, ce sera important pour elle, elle va y avoir une... souvenirs, école. Qu'est-ce que c'est que cette maison-là? Alors, c'est une maison de village qu'elle achète. C'est pas très loin de Paris, à Saint-Leu-la-Forêt. Elle l'achète effectivement en 1925. Et elle va faire construire dans le jardin une petite salle de concert dans laquelle il y a, parce qu'elle a entre-temps acquis une collection d'instruments anciens, elle a toujours un ou deux playels sur place qui lui sont toujours prêtés par la compagnie. Là. Elle a été propriétaire d'un clavecin playel seulement sur le tard, mais il y a un roulement de playel chez elle. Et elle a à la fois là, une école, sa salle de concert, donc elle a sa série de concerts à elle. Elle a une école, c'est son lieu de travail, elle va enregistrer là. C'est comme une PME du clavecin installée en banlieue de Paris. Et elle a son public, elle a toujours des admirateurs. Puis lui, une anecdote vraiment assez particulière. Elle aime tellement être en contact avec les gens qu'il semble qu'à l'époque de Saint-Leu-la-Forêt, des fois, elle travaillait très tard la nuit et elle avait pris l'habitude d'appeler une téléphoniste et de lui jouer du clavecin au téléphone. Il y a une téléphoniste qui a témoigné de ça, qui se rappelait encore de ses bouts de nuit à jaser avec Mme Landowska, qui disait « Écoutez ce prélude des fugues. » Imaginez. Oui, à tout un numéro. Mais Saint-Leu-la-Forêt, ça a été vraiment un temple, je dirais, qu'elle a créé elle-même, mais qu'elle a dû abandonner, malheureusement, d'urgence. Là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les Allemands vont entrer, vont piller, il y avait 10 000 livres dans cette maison, vont piller la maison. Elle est partie juste à temps, elle ne voulait pas la voir, cette guerre-là. Il paraît qu'elle a vraiment minimisé la gravité de la situation. Beaucoup de ses amis lui disaient, Wanda, vous êtes d'origine juive, les nazis savent tout ça, vous devez partir. Et quand on a fini par lui dire, on part cette nuit à 4 heures du matin, elle a dit, je ne vais pas me lever à ce moment-là, c'est pas vrai. Elle ne comprenait pas, elle ne voyait pas. Mais elle partira, elle devra quitter, elle finira par le comprendre pour se retrouver aux États-Unis où elle finira sa carrière et sa vie. Je dirais assez paisiblement. Ouais. C'est beaucoup moins rocambolesque là, toute la dernière partie de sa vie aux États-Unis, à Lakeville, Connecticut. Et là aussi, elle va avoir presque son petit temple à elle, une maison où elle va recevoir ses élèves et elle va continuer à jouer en concert partout. Elle va rester, une grande star jusqu'à la fin de sa vie, là, très reconnue. Et pourquoi? Pourquoi cette émission? En un mot, qu'est-ce qu'elle a apporté? Ben, on peut boucler la boucle en reprenant un peu les propos de Brigitte Audebourg qu'on écoutait au début. On jouerait même pas de clavecin si Wanda Landowska avait pas fait ce qu'elle a fait. Mais c'est aussi pour moi, c'est ça que j'ai découvert grâce au spectacle de John Rea, de découvrir une femme qui a eu un destin absolument unique à une époque où, pour réaliser tout ça en tant que femme, là, il fallait une personnalité absolument remarquable. Sacrée Landowska. Ouais, sacrée Landowska. Catherine Perrin, ça a été un bonheur. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous d'avoir eu l'idée de cette émission. À médium large, évidemment, du lundi au vendredi. Merci infiniment. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.